Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz Canal B, aussi à partir du site asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/renman. Ça c'est pour l'ensemble des podcasts et des playlists et le descriptif commenté des émissions. On attaque par un bout de morse, alors rassurez-vous, il ne s'agira pas de signes de détresse, mais un extrait du nouvel album de Massico, le deuxième LP du quatuor féminin basé à Genève. Guitare, basse trafiquée, violon électrique, batterie décalée et poésie lettonne, plutôt estampillée Novo No Wave. Il vient de sortir au début du mois de mai sur les labels Emoncu, C'est du Tofu, Red Wing et Kaka Kids. Excellent album que ce morse du combo Massico de bout en bout. C'est vraiment très très réussi. Alors, je n'ai pas écouté leur premier album qui était sorti en 2013, également chez les Mums, Emoncu, C'est du Tofu et Red Wing. Mais je vais m'empresser d'écouter leur précédent opus, tellement celui-ci m'enthousiasme. Et juste pour vous signaler que vous pouvez aussi l'écouter d'ailleurs en téléchargement à partir de leur Bandcamp. Ça doit être quelque chose comme massico.bandcamp.com, ce qui est aussi le cas d'ailleurs de l'ensemble des productions de Emoncu, C'est du Tofu. Les albums sont téléchargeables gratuitement et les vinyles coûtent vraiment pas cher, à peu près 8-9 euros. On écoute un extrait donc de ce morse par Massico, le morceau Louac. Séquence introductive dans l'asile le plus sûr pour bien se mettre en jambes, qui a commencé avec le nouvel opus de Massico, combo constitué par Simone Aubert, Colin Grosjean, Léa Jeklin et Mara Krastina, combo féminin basé à Genève, guitare basse trafiquée, violon électrique, batterie assez décalée. Ça fait beaucoup penser à certains groupes post-punk féminins de la fin des années 70, début des années 80, mais avec une énergie noise contemporaine. Nouvel album donc pour Massico qui s'intitule Morse, sorti chez les excellents Et mon cul c'est du tofu, ainsi que Red Wing et Kaka Kids. C'est sorti au mois de mai, donc ça doit être disponible assez facilement via ces labels. Et Massico était enchaîné avec une curiosité, un guitariste chanteur pour le moins excentrique qui répond au nom de Rob Jacobs, qui vient de sortir son premier dernier LP éponyme, un vinyle jaune électrique et cassette qui est sorti il y a de ça quelques semaines déjà sur la nouvelle entité de Chicago, International Anthem Recordings Company, qui est un label plutôt prometteur. Ils ont fait paraître coup sur coup trois disques et pas des moindres, notamment un disque de Rob Mazurek, le cornettiste touche à tout et électroacousticien très connu du post-rock et du jazz contemporain, ainsi qu'un double LP du batteur Makayam Craven avec à peu près tout le gratin de la scène jazz contemporaine de Chicago, notamment Jeff Parker et Joshua Abrams. Donc label qui illustre et documente la jeune scène de Chicago à l'image de ce Rob Jacobs totalement inconnu, guitariste folk prog multi-instrumentiste. Il fait vraiment quasiment tout sur cet album tout seul et il fait partie d'un trio expérimental totalement inconnu au bataillon qui répond au nom de Way Zongle, qui a sorti 3-4 trucs depuis 2012, notamment un split qui était sorti sur New Atlantis Records et qui viennent aussi d'ailleurs de faire paraître un nouvel album, New Trans. Voilà donc une voix excentrique avec un scat assez bizarre de monsieur Rob Jacobs. On va continuer avec d'autres musiciens émergents que je découvre avec ce disque Ventil, album éponyme sorti sur leur tout nouveau label d'ailleurs, Ventil Records, qui est basé à Vienne, comme ses musiciens, les deux guitaristes et électroacousticiens Peter Kutin et Florian Kindlinger, qui officie depuis quelques années apparemment. Ventil est un projet qui a été initié en 2014, qui mélange rock, techno assez chirurgical et ambiante très très froide. On les retrouve aux côtés de Michael Lanner au synthétiseur électronique et de Katharina Ernst à la batterie, ainsi que de Connie Zeng qui fait les sculptures lumineuses pour les performances live de ce combo Ventil. Et à noter que Ventil Records a aussi sorti un autre LP avec un peu les mêmes, Kutin et Kittlinger, en compagnie de la vétéran des musiques électroniques Christina Kubic, ainsi que Fernando Godoy. C'est un double LP donc pour Ventil Records, qui est distribué d'ailleurs par Metemkin. Et on va écouter donc un extrait sans plus attendre de cette formation Ventil, qui est très très prometteuse, qui fait beaucoup penser d'ailleurs à la musique des autres Autrichiens Radiant, qui ont commencé eux il y a une douzaine, quinzaine d'années en arrière, le projet de Martin Brandelmeier et Martin Sievert. Et c'est un peu le même type de son pour Ventil que je propose de découvrir avec ce titre extrait de cet album éponyme, le morceau Camp. Un bon bol d'air sur Antenne 94 MHz avec les sélections de l'asile le plus sûr qui ont démarré avec le combo autrichien Ventile de messieurs Peter Köttin et Florian Kindlinger, deux guitaristes plutôt de traverse qui pratiquent les musiques électroniques et le post-rock de manière assez radicale, un côté assez froid, assez robotique qui lorgne aussi du côté d'une certaine techno industrielle. C'est plutôt très très bon ce vinyle sorti par leurs propres soins, disponible en France d'ailleurs grâce au distributeur Metemkin sur donc leur étiquette Ventile Records. Alors j'ai pas écouté l'autre production, le double LP, mais quand ce sera chose faite, il y a de fortes chances que je vous propose aussi la rencontre entre messieurs Köttin, Kindlinger et Christina Kupic, la performeuse électronique. On a enchaîné avec un disque que je vous ai proposé lors de la précédente émission, l'excellent album Symbols Follow de Muta Music, le projet de l'italo-égyptienne Giulia Loli, dont je suis raide de dingue, une sorte de rencontre entre cordes moyen-orientales et platine trafiquée comme elle sait très bien le faire, et ce depuis une bonne vingtaine d'années. DJ Muta Music qui officie donc qui a démarré à peu près au milieu des années 90, qui a immigré donc avec ses parents à l'âge de 4-5 ans à New York, et qui convoque tout autant ses origines moyennes Moyen-Oriental, que son goût assez immodéré pour les musiques jazz contemporaines. Elle s'est retrouvée sur pas mal de projets de musiciens américains ces dernières années, et ça s'entend sur cet excellent disque Symbols Follow, sorti par Discrepant, label britannique qui s'était déjà fendu de choses très très intéressantes, notamment le vinyle éponyme de Malayin. On va continuer avec là encore un label londonien. Il s'agit de Alter Records, qui est l'étiquette de monsieur Luke Younger alias Helm, qui est un projet là encore plutôt d'électronique industrielle ou post-industrielle. Avec son label, donc, il produit des choses plutôt très intéressantes. On avait pu notamment vous proposer au sein de cette même émission les projets Opéra Mort ou encore Libéré, donc un catalogue que développe monsieur Luke Younger depuis à peu près 5 ans. Et cette fois-ci, donc, on va écouter un disque totalement surprenant d'un projet londonien lui aussi, qui répond au nom de Acolytes, et qui est un projet qui est dû à l'énigmatique Dee Chan, qui s'inspire pas mal de ce qui a pu se faire à la fin des années 70 et années 80 dans le domaine du rock un peu post-In Opposition. On compare souvent sa musique à celle des Residents ou encore de Art Bears, un côté plutôt dada farfelu et très très excentrique pour monsieur Dee Chan alias Acolytes, qui est parfois accompagné d'ailleurs par un autre musicien totalement surprenant lui aussi, Dee Bolger alias The Pheromoans. Et je propose d'écouter une petite séquence extraite de ce vinyle qui est vraiment très très intéressant, donc de Acolytes. C'est un album éponyme qui est sorti en tout début d'année sur le label Alter Records. The end, it was a bad idea. Take those cuts while I was there. Making up lay open to me. I turn up without a key. I turn up without a key. Seeing of clean up the way. Thank you. just leave me alone. In my mind just slips like white upon us, cause we don't go up. Using the elements of thick to create a softer, toned down sound. I sing to the bananas. The skin is getting thin and brown. Norway. The girls are pretty. I am 1/4 Danish. If you have a child, you better learn how to bake. I beckon the cupcake, the huge cat. capitalist glit. I search the oven, scrub the racks, put my whole head inside, but I just can't find it. It's like looking out the window in there. The bananas rot slowly in my lap, silently, wildly, girly. The rash is an opportunity, a common disease, something in common, a community. The definition must be something attacking itself. Four flaking, flaccid fingers. No future. Oh, the fruit flies. Thank you. Une petite séquence de poilades sonores dans l'asile le plus sûr, avec trois titres enchaînés. On a écouté deux albums publiés par Monsieur Luc Fowler sur son label londonien Alter Records. Tout d'abord, donc ce fameux Acolytes, disque éponyme de Monsieur Di Shan, qui sera un londonien. Alors, on va penser que c'est un pakistano-londonien qui produit une musique d'inspiration qui tire un peu sa source, son inspiration dans les années 80 du côté du Rock in Opposition, du côté aussi de la musique outre-Atlantique des Residents. On a écouté une petite séquence avec deux titres. L'album est vraiment très très bon de bout en bout. Et juste à l'instant, un autre album donc sur ce catalogue de Alter Records de Monsieur Cameron Diz, guitariste plutôt d'inspiration John Fahey en règle générale. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a découvert il y a de ça quelques années, avec une série de disques qui était sortie sur l'excellent label Blackest Rainbow. Disque très très dépouillé, musique de raga méditatif. Et curieusement, il s'est mis à l'électronique, ou plutôt à traficoter les cordes de sa guitare en les faisant passer dans différents filtres, et ça donne un album très très incroyable d'électroacoustique qui vient de paraître également en début d'année sur Alter Records sous le titre String Studies. Et c'est vraiment très très bon de bout en bout, comme ce qu'il produisait aussi en guitare acoustique. L'ensemble de son travail à Monsieur Cam Diz est hautement recommandable. Et juste au milieu de ces deux albums publiés par Alter Records, on a eu une toute petite miniature, ou une miniature plutôt, avec du spoken words de Jenny Hashfall, qui est une Norvégienne qui vient de faire paraître un tout nouvel album sur Sacred Bones sous le titre Apocalypse Girl, et qui est vraiment très très bon. Alors, c'est un album qui lorgne plutôt du côté de la pop, mais une sorte de pop un peu expérimentale qui pourrait faire penser par exemple à du Kate Bush, pour prendre un exemple dans la pop internationale, ou encore dans certaines chanteuses un peu plus expérimentales qu'on a pu écouter depuis les années 70. Excellent album donc de Jenny Hashfall, avec pas mal de musiciens invité d'ailleurs, notamment le harpiste Rodri Davis, qu'on connaît surtout sur des travaux d'impro assez réductionnistes, et Okyung Lee aussi au violoncelle. Et il y a aussi ses compatriotes norvégiens, les membres de Jaga Jazzist ou encore de Puma, des musiciens au nom totalement imprononçable tels que Øystein Moen ou encore Kir Lastad, avec lesquels elle se produit sur scène également. Et cet album a été produit par Lasse Marog, qui est un noiseux expérimentateur bien connu des services pour sa participation à quantité de projets, et notamment aussi à des projets free jazz norvégiens. Il l'avait interviewé pour son excellent magazine Personal Best. Ils avaient échangé beaucoup à distance sur des films et des côtés un peu cinéphilique qui les intéressait, ce qui fait que l'album s'est produit un peu dans le prolongement, ce qui lui confère un côté un peu cinématique. Très très bel album de Jenny Hashfall, beaucoup plus intéressant que ce que l'a pu produire précédemment, en tout cas en ce qui me concerne. J'avais écouté certaines productions sur Rune Gramophone, ou encore son duo en compagnie de Susanna Valumrod. Ça m'avait pas convaincu à 100%, tandis que celui-ci est vraiment très très intéressant. Apocalypse Girl chez Sacred Bones par Jenny Hashfall. On va continuer avec un disque de l'an dernier, un disque échoué de 2014, sur lequel j'ai mis la main il y a peu. Un excellent trio de jazz impro matinée de rock sous le nom de Bouge, dans lequel on retrouve le tromboniste Johannes Bauer, l'ancien bassiste de ZX, Luc X. Alors ça fait bien longtemps qu'il a quitté le combo punk hollandais, mais il continue à se faire appeler Luc X, toujours avec sa guitare, sa basse pardon, électroacoustique. Et ils sont en compagnie de la chanteuse et clarinettiste Isabelle Dutoit. C'est un enregistrement sorti chez Vendeuvre, le label bien connu de l'Est de la France, de Meurthe et Moselle, enregistré comme de juste par François Dietz lors d'un festival Musique Action. C'était en 2012 et je propose d'écouter sans plus attendre le titre de ce disque éponyme, de ce CD éponyme sorti par le label Vendeuvre, le morceau Pourpre.

Un gros n'importe quoi dans le registre du punk jazz par le trio et qui marque la rencontre entre le bassiste électrosonique Casper Toplitz, le batteur Jean-Noël Cognard et l'ébouriffant trompettiste-chanteur Jacques Bérocal. Le nouvel opus du label Bloc Thyristor dont s'occupe Jean-Noël depuis une bonne demi-douzaine d'années, qui est très très actif, à peu près 3-4 productions par an, à l'instar de ce Disséminé ça et là, qui est une très très belle édition vinyle d'un concert qu'ils avaient donné à Évreux, je pense que c'était l'an dernier donc à Évreux, oui c'était le 18 juin 2014 très exactement, organisé par l'atelier au théâtre Méga Bopec, et on entendait un enchaînement d'une impro avec le fameux titre Rock'n'Roll Station, enregistré et gravé dans le marbre dans l'album parallèle de Bérocal en 1976, donc il y a de ça 40 ans, le fameux titre Rock'n'Roll Station qui continue d'être joué régulièrement dans les différents projets de Jacques Bérocal, notamment il y a aussi une version dans le disque qui est sorti aussi très très récemment en compagnie de David Fenech et Jacques Bérocal Anti-Gravity sur le label Blackest Ever Black. Quant à Jean-Noël Cognard, une production toujours très très énorme, avec notamment un disque qui est sorti il y a de ça quelques mois, qu'on vous a proposé dans les îles le plus sûr, de son projet Tribrac en compagnie de l'autre membre de Catalogue, monsieur Jean-François Pauvros, et aussi de Patrick Muller, qui signe la plupart des productions de Bloc Thyristor et qui les coproduit à l'instar de ce vinyle sur son label Trace Lab, et comme toujours le graphisme est assez incroyable et il est dû à la patte acérée de Mika Puce. Là il s'agit d'un disque gatefold qui s'ouvre donc et qui est dans un format assez imposant, on dirait un double album, mais c'est un simple pour ce projet de Jacques Bérocal, Jean-Noël Cognard et Casper Toplitz, qu'on n'entend pas très souvent dans ce genre de rencontres impro un peu noise, lui qui est plutôt coutumier de projets un peu plus industriels, notamment avec le Dépeupleur. Donc là il s'agissait de Disséminer ça et là, et juste avant on entendait donc Johannes Bauer au trombone, qui d'ailleurs s'est retrouvé aussi, ou plus exactement ses frangins, dans des projets de monsieur Cognard, notamment le projet Brigantin, où officiait donc, si je ne m'abuse, si Johannes Bauer et Connie Bauer, comme quoi tout se recoupe. Donc on écoutait juste avant Johannes Bauer en trio avec Lukex et Isabelle Dutoit, qui se prenait pour Phil Minton ou autre chanteuse à Borborygme, sur le disque Bouge sorti par Vendeuvre, excellent CD sorti l'an dernier. On va continuer avec une autre séquence de jazz free qui dépote, avec une réédition, celle du projet Sprawl, dans lequel on retrouvait, c'était en 1997, donc ça ne nous rajeunit pas, le batteur d'Alboat et aussi de Full Blast, Michael Wertmüller, avec Stéphane Whitwer à la guitare, Alex Blues du groupe 1617, excellent groupe de noise free, le contrebassiste William Parker et l'incroyable colosse de Wuppertal, Peter Brotzmann. C'était sorti à l'époque en CD sur l'étiquette autrichienne Trost, qui viennent de rééditer ce disque CD en vinyle. C'est pas une mauvaise idée, j'ai dû écouter ce CD à l'époque et j'en avais complètement oublié l'existence, et écouter le son de cette galette vinyle, c'est une musique qui claque et qui reste totalement fraîche et incroyable. On écoute un titre totalement punitif par Sprawl sous le nom Schweiz Purgatorisme par le projet Sprawl. Je vous avais prévenu que ça bastonnait grave cet excellent combo Sprawl, et ça rigolait pas vraiment en 1997 avec ce groupe qui était constitué du batteur Michael Wertmüller, qui officie ces dernières années au sein de Full Blast en compagnie de Monsieur Pliakas et de Peter Brotzmann, qui se retrouvait au sein de ce Sprawl aussi aux côtés du guitariste plutôt coutumier des choses un peu dans l'impro, nettement moins noisy, Stéphane Whitwer, qui est guitariste d'origine suisse, Alex Blues, qui est américain, je pense, ou anglo-saxon en tout cas, qui lui avait sorti des choses au sein de la formation 16-17 ou 16-17, notamment des trucs sur R&R et qui dépotait aussi sévère, et William Parker, qui est aussi assez expressif sur cette galette de Sprawl qui est réédité grâce à Trust Records, qui a ressorti ça il y a peu, qui avait sorti le CD à l'origine de cet enregistrement de 1996 en Suisse, de ce quintet assez apocalyptique. Il y a des choses nettement plus expérimentales et plus calme sur la face B, une pièce que j'hésitais à vous passer qui est vraiment magnifique, mélange électronique avec de la guitare tripatouillée, la basse de William Parker qui a un son assez incroyable et les sax un peu en retrait mais qui sont quand même assez présents. On vous passera peut-être ce deuxième titre dans une prochaine émission. Donc 4 morceaux sur cette galette vinyle, le CD en comptait 7 si je ne m'abuse. Ils auraient pu sortir un double album avec des bonus, donc on va leur écrire pour se plaindre. Non, en tout cas, le son est vraiment très très bon de cette réédition de cette formation Sprawl. Voilà, l'émission est quasi terminée. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'ensemble des émissions L'Asile le plus sûr à partir du site asile35.blogspot.fr. Également, consulter les playlists, cliquer sur les liens avec des vidéos et pas mal de textes et de commentaires pour agrémenter votre écoute de l'Asile, également à partir du mixcloud.com/renman. Avant de se quitter, quelques annonces concerts avec les camarades de Cafioul qui organisent pas moins de 2 concerts cette semaine, 2 concerts très très différents l'un de l'autre, puisque ce jeudi vous pourrez voir le concert de Françoise Breut et de My Sleeping Dog. Ce sera le 4 juin au 1988 Live Club pour 6€, et un concert non plus rock noise mais du noise qui envoie par des nordistes, des finnois, les Strout et Ebo Zagil. Ce sera au Terminus ce samedi 8 juin pour 5€. Je vous rappelle aussi que vous pourrez assister ce week-end à l'excellent festival Les Arts à Gare, avec une programmation comme chaque année très très intéressante entre musique ethnique et musique expérimentale ou improvisée, avec notamment des musiciens mongols, avec des ateliers de chant diphonique, également Benyata Chari, Géraldine Keller qui sera en compagnie de Jean-Luc Capozzo, Kanan Domourkakli qu'on vous a proposé la semaine dernière, et un duo à ne pas manquer puisqu'il ne s'est pas produit encore par chez nous. Il s'agit de la rencontre entre le saxophoniste brétilien Baptiste Boiron et le trompettiste chanteur vocaliste hurleur Médéric Collignon. Ce sera donc pour les festival Les Arts à Gare. Eux, ils joueront en clôture le dimanche 7 juin et ça commence ce vendredi 5. On se quitte avec une séquence nettement plus zen et la musique de monsieur Bertrand Denzler, qui est un saxophoniste qu'on a découvert déjà il y a de ça quelques années, notamment au sein de différents projets tels que Ubub, aux côtés de Jean-Luc Guyonnet, Jean-Sébastien Mariage, Frédéric Blondy et Édouard Perrault. Il est assez coutumier d'ailleurs de projets en compagnie du guitariste Jean-Sébastien Mariage et de Frédéric Blondy. Notamment, on a pu l'entendre également au sein de Camaleo Vulgaris. Et depuis quelques années, il produit des disques vraiment de plus en plus intéressants. Il avait sorti notamment un disque en compagnie de Eddie Prévost, le batteur de AMM, et de John Edwards en Angleterre, donc sur le label Matlash Recordings, c'était en 2013. Très récemment, un enregistrement sur Umlaut Records avec le batteur Antonin Gerbal. Et là, je propose d'écouter deux disques qui seront enchaînés de ses compositions microtonales pour instruments avant, mais pas que, sorties par l'excellent label anglais Confront, dont s'occupe le violoncelliste Marc Wastel, qui est un très très bon label des musiques improvisées, réductionnistes et maximalistes aussi. On va écouter donc deux extraits de deux projets de Bertrand Denzler, ou plutôt deux groupes qui jouent donc ces pièces microtonales, et on commencera par Horns, qui est une rencontre entre Bertrand Denzler donc au sax ténor, Pierre-Antoine Badarou au sax alto. Il y a aussi Fidèle Fourneron qui est de la partie au trombone, et Louis Laurin qui est à la trompette, le trompettiste de l'ex-groupe ou le regretté groupe, parce que je pense qu'il n'existe plus, Actum. Ce sera enchaîné avec une grande formation menée par Bertrand Denzler, le Onsheim Ensemble, dans laquelle officie pas moins d'une vingtaine de musiciens, et on y retrouve à peu près les mêmes, donc Frédéric Blondy, Jean-Sébastien Mariage, Benjamin Duboc, Benjamin Doustessier, Louis Laurin, Julien Loutelier. En fait, une rencontre entre les collectifs Quacks et Umlaut associés et d'autres musiciens des scènes contemporaines improvisées parisiennes dans son Onsheim par Bertrand Denzler. Ce sera la pièce Morph pour orchestre, enchaînée donc avec le Horns 1-2. Je vous souhaite une excellente nuit et une très très belle semaine. À bientôt.